Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Avant-propos. Le livre que je publie aujourd'hui sous le titre « Moïse et Darwin » n'est, autant dire, que le développement de celui que j'ai fait paraître, il y a quelques années, sous cet autre titre, « Du darwinisme ou l'homme singe ». On se demandera sans doute pourquoi ces changements dans l'intitulé de l'ouvrage, puisque le fond en est resté le même. C'est que je m'étais simplement attaché, dans mon premier travail, à prouver la fausseté et à faire ressortir le ridicule du système de Darwin, persuadé que, les esprits sensés ne devant jamais le prendre au sérieux, ce n'était pas la peine de lui opposer les récits de la Genèse. Mais, depuis lors, quel progrès le darwinisme n'a-t-il pas fait dans l'opinion des masses? Je n'en veux d'autre preuve que les hommages posthumes rendus à Darwin lui-même, hommages qui ressemblent presque à une apothéose, puisqu'on lui a donné pour sépulture les caveaux de l'abbaye de Westminster. Non, il n'y a plus d'illusion possible. Ces ovations, qui ont trouvé un si bruyant écho dans le camp des libres penseurs, ont été avant tout un cri de guerre contre le catholicisme. Le catholicisme, mais qui donc ne se ligue pas aujourd'hui contre lui? On l'améliore la loi, en violant les lois qui devaient le protéger, témoin l'exécution des décrets du 29 mars. On l'améliore la loi, en votant de nouvelles pour le combattre, témoin la loi de l'enseignement sans Dieu. C'est cette dernière loi que j'ai dû viser tout particulièrement dans mon nouveau volume, en ce qu'elle ne tend à rien moins qu'à faire de la jeunesse actuelle une génération d'athées. Et quel motif fait-on valoir pour exclure ainsi de l'éducation l'élément biblique? On veut que la jeunesse ne soit plus d'accord avec les progrès de la science moderne. C'est là une très grosse erreur. Non seulement ce désaccord n'existe pas, mais c'est la jeunesse elle-même qui a plus d'une fois devancé la science. Il me suffira pour le prouver de mettre les récits de Moïse sur lesquels s'appuie l'enseignement religieux en regard des hypothèses de Darwin qui font la base de l'enseignement matérialiste. On verra ainsi de quel côté est la vérité. Je ne me fais aucune illusion sur les difficultés du travail que j'entreprends, par la multiplicité et parfois la délicatesse des questions qu'il est appelé à résoudre. Je m'en fais moins encore sur les éventualités périlleuses du résultat, car je sais parfaitement que, si une cause est mal défendue, l'échec ne retombe pas seulement sur celui qui s'en est fait l'avocat, mais sur la cause elle-même. Il importe donc avant tout que j'établisse quelle garantie offre mon livre. J'ai déjà dit qu'il n'est que le développement de celui que j'ai publié précédemment sur le darwinisme. Par conséquent, si les jugements portés sur son aîné ont été favorables, il devra logiquement en bénéficier. Jetons, à cet égard, un coup d'œil rétrospectif. Mon premier ouvrage comprenait, de même que celui-ci, deux parties, une partie scientifique et une partie religieuse. Comme chacune de ces parties se rapporte à des questions d'un ordre complètement différent, et que par suite les mêmes juges ne peuvent avoir sur l'une et sur l'autre la même compétence, nous diviserons leurs appréciations en deux catégories. Partie scientifique. Quels sont les hommes aujourd'hui dont l'autorité fait loi sur les diverses questions qui touchent tant à l'anthropologie qu'à la constitution de la matière et des mondes? En un mot sur les principaux points qu'embrasse le darwinisme? Trois surtout, par leurs travaux hors ligne, méritent d'être placés au premier rang, ce sont messieurs Dumas, Pasteur et de Quatrefages. Eh bien, ces trois hommes, ces trois princes de la science, ont donné aux doctrines scientifiques de mon livre l'assentiment le plus complet, non pas par quelques mots vagues de politesse obligés, comme cela se voit quelquefois, mais par des témoignages écrits, conçus dans les termes les plus nets et les plus motivés. Donc, au point de vue de la question scientifique, je me crois en droit d'affirmer que mon traité actuel offre les titres voulus pour être mis dans les mains de la jeunesse. Partie religieuse. C'était là pour moi, laïque, le côté scabreux entre tous. Aussi est-ce avec une bien vive, une bien profonde satisfaction que j'ai reçue des principaux membres du clergé, je pourrais même dire de l'unanimité de l'épiscopat, les témoignages de l'approbation la plus flatteuse. Qu'il me suffise, parmi tant de noms illustres, de citer, pour des raisons de gratitude personnelle, ceux de Monseigneur Guibert, l'éminent cardinal qui gouverne avec tant de sagesse le diocèse de Paris, et de Monseigneur Mermillot, l'illustre exilé de Genève, dont la vie errante n'est qu'une longue prédication. Je ne saurais non plus m'abstenir de nommer Monseigneur Richard, coadjuteur de son éminence, et archevêque de Laris. C'est lui qui voulut bien se charger de remettre à sa sainteté Pie IX l'exemplaire dont je désirais lui faire hommage, et, encore qu'il s'en défende, il ne fut certainement pas étranger à l'insigne honneur que m'accorda le glorieux pontife en m'adressant un bref de félicitations et un brevet de commandeur de l'un de ses ordres. Donc, au point de vue de la question religieuse, je me crois également en droit d'affirmer que mon traité actuel mérite réellement aussi d'être qualifié de livre d'enseignement de la jeunesse. Enfin, le dirai-je, je me flatte d'obtenir de mes adversaires eux-mêmes un accueil sinon favorable, du moins exempt d'hostilité. C'est qu'ils reconnaîtront que, même au plus fort de ma polémique, je ne me suis jamais écarté des égards que l'on se doit entre personnes qui se respectent. J'en ai pour garant la lettre que m'écrivit Darwin lui-même en réponse au volume que je m'étais empressé de lui faire parvenir, aussitôt que l'ouvrage avait paru, car, en semblable matière, j'ai pour principe que c'est celui, là même que l'on attaque qui doit en être le premier informé. Voici cette lettre, lettre de Charles Darwin au docteur Constantin James Dow, Beckenham, Kent, 5 juillet 1877. Mon cher monsieur, en rentrant hier chez moi, j'ai trouvé votre livre et votre lettre si parfaitement courtoises, pour lesquelles je vous offre mon double remerciement. Je suis maintenant tellement absorbé par ces questions, que je n'ai pas encore pu trouver le temps de lire votre livre avec l'attention voulue. De plus, votre lettre en est une nouvelle preuve, des écrivains dont les vues diffèrent autant que les nôtres croient généralement que l'un comprend ou interprète mal les travaux de l'autre. Aussi, ce qu'il y a de mieux à faire, selon moi, c'est de laisser le public juger la chose, sans chercher à l'influencer. Permettez-moi encore une fois de vous remercier cordialement de votre extrême courtoisie, et croyez-moi cher monsieur, bien sincèrement à vous. Charles Darwin. De l'origine de l'homme. Il n'est pas de sentiment plus légitime ni plus naturel que celui qui nous porte à chercher d'où nous venons et quelle a été notre origine. Nul doute que nous n'ayons pas toujours existé sur la Terre, de nombreuses races animales nous y avaient précédés, et même la géologie démontre que nous n'y sommes parvenus que des derniers. Mais à quelle époque y avons-nous fait notre première apparition? Étions-nous alors ce que nous sommes aujourd'hui ou, au contraire, avant d'arriver au type actuel, avons-nous passé par diverses évolutions successives? Telles sont les graves questions qui se présentent tout d'abord à l'esprit du penseur et du naturaliste. Malheureusement, il existe en histoire naturelle des écoles, comme il en existe en philosophie et en religion, ces écoles sont désignées également par le nom de leur chef, celle qu'on appelle darwinisme prime aujourd'hui toutes les autres. Ce privilège, si toutefois c'en est un, elle le doit à l'étrangeté aussi bien qu'à l'audace de ses doctrines, ainsi, à en croire Darwin et ses adeptes, l'homme ne serait qu'une descendance du singe. Mais la même école ne s'en est pas tenue là. Remontant les âges et faisant, de même, table rase des croyances admises généralement, elle proclame la matière éternelle. Elle veut, de plus, que les êtres vivants, au lieu d'être sortis des mains d'un créateur, se soient développés d'eux-mêmes par génération spontanée et que, plus tard, ils aient changé d'espèce en se transformant. On comprend que de pareilles doctrines sur l'origine de l'homme et sur celle du monde aient soulevé de vives répugnances et provoqué d'énergiques protestations. De là les controverses ardentes auxquelles elles ont donné lieu, et qui, aujourd'hui plus que jamais, passionnent les esprits. C'est qu'on s'en est fait une arme dans la nouvelle croisade organisée de tous côtés contre le christianisme. Comment maintenant savoir où se trouve la vérité? Comment surtout la faire briller à tous les yeux? La seule manière, c'est de ramener le débat sur son véritable terrain, je veux dire sur le terrain de l'observation. Ce n'est pas, en effet, par des suppositions et des hypothèses qu'on peut arriver à résoudre des questions de cette nature, c'est uniquement par l'étude des faits, l'examen des preuves et la sanction de l'expérience, là est la solution du problème. Qu'on ne s'étonne donc pas de me voir venir prendre part à la discussion. Mes travaux antérieurs avec Magendie sur la physiologie de l'homme, travaux que mes occupations professionnelles ont interrompus, mais ne m'ont jamais fait complètement perdre de vue, me donnent, ce me semble, quelques droits et quelques compétences pour traiter ces sujets. Puis, je ne crains pas de le déclarer hautement, en venant ainsi me mêler à la lutte, j'obéis encore à un motif d'un autre ordre, mais non moins impérieux. Ce motif, le voici. Le darwinisme, en nous faisant dériver du singe, et en niant l'intervention d'un créateur pour tout rapporter à la matière, ne fausse pas seulement notre origine, il fausse également la notion de nos devoirs dans ce monde et de nos destinées dans l'autre. C'est au point que son triomphe équivaudrait à une véritable dislocation sociale. Or, quels sont les hommes qui se font ainsi les propagateurs les plus ardents de ces dangereuses doctrines ? Il m'en coûte de l'avouer, mais ils appartiennent pour la plupart au corps médical. Bien qu'une semblable solidarité ne puisse m'atteindre, c'est comme médecin surtout et un peu à titre de réparation que je viens à mon tour descendre dans l'arène, fort de mes convictions et de mon droit, persuadé que j'ai en main les documents voulus pour démontrer que le darwinisme n'est qu'une pseudo-science. Je regarde comme un devoir de les faire connaître et de les présenter sous la forme qui me paraîtra la plus propre à en vulgariser le sens et la portée. Mon travail comprendra ainsi deux parties, une partie scientifique et une partie doctrinale, ou plutôt ces deux parties n'en feront qu'une, car il existe entre elles une solidarité si intime qu'on essaierait vainement de les scinder.